Véronique. On répond aux imbéciles par le silence. Patrick Sola International, Joël Léo, M16 Ballon d'Or. Jeanne Apeko, Erickson Ndomolino ya Direct Lewa. Bienvenue Makanga. Lasa Matondo. Yannick Luawa. Andy Mackenzie. Gérard Basilwa. Yannick Wawa. Viens en Ayula Bols. Elogata. Francine Mala. Harris Sambo Supreme. Piston Massila Gestapo. Serrado Maziku Nzambe Anjili. Des affaires. Allez, bon.